And you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir Adrien, Freddy. Bonsoir Freddy. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir. We're all there. C'est ça. Yep. Oui. Trois mousquetaires. Yeah, that's pretty nice. Ouais. Un pour tous, tous pour un. Or as Coluche used to say, un pour tous, tous pourris. Yes, tous pourris. Mm. C'est qui I? C'est I comme Icar? Ouais, c'est ça, de Costa Gavras. OK. So, what's new? Well, Paris won today. Oh. So Paris was playing Arsenal in England, so there was a lot of booing and stuff. Mm-hmm. They got one goal from Dembélé, Ousmane Dembélé, at like 3 minutes and 50 seconds. So that was super fast. And they got cheated of a penalty kick because there was a big foul in a surface de réparation. Surface of reparation? Yeah, surface. The goalies area. Yeah, no, there's a real word. Yes, there is. I just can't remember right now. But yeah, so next week on Wednesday, they're going to play the second leg. It's for the Champions League. Yeah. And if they tie next week because of the aggregate score of the 1-0 today, they'll win. So a little bit like last time where, like, first leg they won 3-2, but second leg they lost. But they With the aggregate, they were. But don't you forward. Need two legs to play soccer? Yeah, yeah. Okay. Yeah. No, I'm just, you know, just checking. Yeah, yeah. That's why they do two legs. Mm-hmm. Sometimes, sometimes that helps it to looks run. Like they don't really. Sometimes maybe it's just the head or just the head too. Yeah, it depends. Sometimes they push with their hands too. Yeah. Like that's been happening today. But Il n'y a plus de jeunesse. No, no, mm-hmm. That's true. And I think other than that, you know, they talk a lot about Spain and Portugal about the blackout. Oh yeah. That paralyzed everything, so transportation and banks and everything. They were saying, like in some of the cities, like Madrid, some of the people going to the stores to buy the essentials was cash only, and the clerks were like recording what people were buying, you know, with a pen and paper. Mm-hmm. So and of it. Touch France, the Pays Basque, yes. Or the Basque country in south, southwest of France. So Portugal, Spain, a little bit of Morocco as well was impacted. I didn't know that. They, according to what I've read, they haven't determined what was the cause of it. So, yeah, they say it wasn't a cybersecurity attack, and then they said it might be related to the transportation system, which is really interesting. So, yeah. Not to say worrisome. Uh-huh. So, soon is going to be May 1st. Mm-hmm. Like, true. Soon, like Thursday. Mm-hmm. And in the rest of the world, May 1st is May Day or Labor Day. And so tonight we have a special work or workers' rights and, you know, labor. Protest, labor, whatever you want to call it. And so we're going to start with three songs, I mean, and we'll keep on going. The first song is L'Internationale, which is French. It's from Les Coeurs Révolutionnaires. The second song is Rosalie Dubois with Chant du Front des Travailleurs. Okay. The song of the workers, workers' front. Essential workers, or like the workers that are, that are in front. But I think like during the pandemic, they were essential workers were considered like front worker or frontline workers. Frontline. And that sounds good. And Jacques Dutronc with L'Augmentation or the raise. And the fight to get it. Eh ben vas-y. On y va. C'est parti. L'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous, c'est la lutte finale, pour nous et demain, l'internationale sera le genre humain, c'est la lutte producteurs sauvons-nous nous-mêmes. baisse, mais si les corbeaux lèvent autour, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. L'homme veut manger du pain, oui. Il veut pouvoir manger tous les jours du pain et pas de mots ronflants, du pain et pas de discours. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des bottes, oui. Il veut avoir bien chaud tous les jours. Des bottes et pas de boniment. Des bottes et pas de discours. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des frères, oui. Il ne veut pas de matraque ni de prison. Il veut des hommes, pas des parias, des frères et pas de patron. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Viens avec nous, amis, n'aie pas peur. Nous allons vers la grande union des travailleurs. Marchons au pas, camarades, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Secouez-vous, réveillez-vous. Aujourd'hui c'est le grand jour. Levez-vous, habillez-vous. Aujourd'hui je fais mon discours. Profitez-en, suivez-moi. On va aller voir le patron pour une augmentation. C'est fini l'exploitation, augmentation ou démission. Eh bien patron, eh bien voilà. Tiens, mais qu'est-ce que vous faites là? J'aurais bien voulu vous parler, mais je voudrais pas vous déranger. Vous m'avez déjà dérangé. Secouez-vous, courage les gars, l'heure est décisive. Soyez fermes, on les aura et pendant les gencives. Profitez-en, dites comme moi. Eh bien patron, et bien voilà, nous avons pensé que tout ça... Ça enfin c'était pas ça. Oui, enfin, qu'il faudrait peut-être revoir ça. Pour l'instant, c'est la TVA. Ah ouais, mais... Bah oui, il faudrait sûrement expliquer ça. Mais en fait, il a raison. Bah oui, il faudrait prendre. Mais ça, oui, bah oui, mais c'est ça, voilà. C'est ça. Avait tourné le dos. On n'a pas pu placer. Et voilà, we are back. It is 8:15 on Bonjour Minnesota on KFI Radio. Yes. And we just listened to three songs. Indeed, and three songs about labor. And the first one was L'Internationale. And the second one was Rosalie Dubois with Le Chant du Front des Travailleurs. And the third one was Jacques Dutronc with L'Augmentation. Très bien. Or The Raise. Yes. So a little bit later, we'll talk about the events coming up. And French Influences 149 is out, too. So it's going to be the last one as is. Mm-hmm. And the one 50... Non, moi, c'est Romain. Well, no, the last one as is, in two words, as is. Okay. It's not a first name. And... yeah, and after that, the 150 is going to be the last one, probably in several parts, but still the last one. So, other than that, we're going to keep on listening to songs about labor. Mm-hmm. Très bien. And, moi, ça me va. Toi aussi, Adrien, ça te May va? May 1st. Yeah. Labor. I was explaining to someone that in France, when it's May 1st, it's always May 1st. It's not like the first Monday of the month, like Labor Day in the US. So if it's a Saturday or a Sunday, you just toast. You get like a holiday on the weekend. But this year is Thursday, so usually people take their Friday as well. In some companies, that's actually a part of your... it's like a floating holiday, I guess. Yeah. Most of my friends in France, they have a four-day weekend on the 1st and on the 8th, which is the end of World War II. Yeah. And same thing, it's a holiday and they take their Friday. And that's where the expression faire le pont comes from. Oui. So faire le pont is like doing the bridge. Mm-hmm. And so because you bridge between Thursday and Saturday, so this way you have a full weekend. So we're going to keep on listening to songs. Gatien, a new artist, and the song is from 2023 and is with Suzanne Bellobo. And it's called Une longue journée de travail. And the name of his album is L'amour phoque, but phoque like a seal in French. And it's spelled P-H-O-Q-U-E. And then Trio with Travailler Plus, Working More, and they are not on board with that. And then Les Colocs with Bonnieu. Très bien. Eh ben, on voilà. y va eh ben, C'est merci. Parti. C'est parti, mon Freddy. Chérie, je reviens. Song.

tu me refais là à l'église, à genoux devant le curé. Bon, laisse-moi pas tomber. Et voili, voilou, we're back. Indeed. And we listened to three more songs about labor, work, workers' rights. Yes. So the first song we listened to was Une longue journée de travail, A Long Day of Work, and it was with Gatien and featuring, I don't remember her, Suzanne Belaubre. Oui. Ah, I thought that was her name. I don't remember her. No, that's not her name. And then Trio with Travailler Plus, Work More. And then Les Colloques with Bonneuil, or Bonneuil. I think it's Bonneuil in Quebecois. Oh, Bonneuil. And, it sounds like banlieue. No, well, yeah, but it's Bonneuil. And, okay. Well, it's weird, but it's different. Bon pied, Bonneuil. Yeah. Mm. That's a way to see it. Mm. Especially with the Bonneuil. Right. And we're going to keep on doing that tonight. So we're going to keep on listening to songs about labor. The first songs we're going to listen to this set is from TTC. And then it's called Travailler. It's the Orgasmic Remix. Mm. Then Eddie Mitchell with Travailler. It's from his album Amigos from 2024. Really recent. And Île-de-France, a band that probably not really many people heard about, except their moms and, you know, caretakers, with Travailler ta honte, working your shame. And I found them on Bandcamp. Oh, oui? I like them. They're pretty cool. Okay, well, all right. let's see. Voilà. After the announcement, we're going to listen to the music. On y va? Oui. C'est parti. Hey, it's Minnesota. We love a long goodbye. Saturday, May 10th, KFAI brings you Gang of Four live at the Fine Line for their final North American tour, The Long Goodbye. After 45 years, Gang of Four are hanging up their post-punk spurs, but they're going out with a bang. This will be a double set show, including a start to finish performance of their groundbreaking 1979 debut album, Entertainment. It'll be a no bunk slam dunk of post punk when Gang of Four takes the stage one last time to give you the long goodbye. Tickets for Gang of Four, The Long Goodbye at the Fine Line can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Lorsque je me lève le matin, il est déjà 2h de l'après-midi et j'ai mal dormi. Quelques minutes dans la salle de bain, j'ai déjà allumé mon ordi et c'est mal parti. J'avale en vitesse un bout de pain, des céréales et un jus de raisin. J'avais pas de tartine, mille mails à mille pour demain. Je devrais boucler ça en un tour de main, mais j'ai pas envie. J'ai plusieurs milliards de rendez-vous, quelqu'un à qui je dois rendre des sous, quelque part en ville. Je ne vais pas le faire attendre des heures, je ne voudrais pas qu'il soit déçu, ça ne serait pas gentil. Si je me mets pas au boulot d'avance, je ne m'y mettrai jamais de la vie, ça c'est garanti. Je ne bosse pas dans un bureau par chance, j'ai la flemme et c'est une maladie. Mais c'est ça la vie, mais c'est ça la vie, mais c'est ça la vie, mais c'est ça la vie, mais c'est ça la vie. Ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse tout en bâtissant et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. Nous on va jamais en vacances, on est des fous. Ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse tout en bâtissant et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. C'est parce que t'es laissé, continue là où tu t'arrêtes. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. On travaille, gagne en assurance, on bataille, tue la concurrence. Toujours plus, je veux toujours plus, allonge. Donne-moi tout, j'ai tout planifié, bien détaillé, pour que rien ne puisse m'échapper. Mon business plante une justesse claire, n'use mon temps, il coûte trop cher. Je compte bien faire fortune un jour, c'est pour ça que je job, pour ça que je me colle. Un réveil le matin, c'est déjà lundi, le week-end est fini, on est reparti pour une semaine entière. Sans petit-déj copieux, une rose pour deux, une vie heureuse. Ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse tout en bas du temps et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. Nous on va jamais en vacances, on est des fous. Ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse tout en bas du temps et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. C'est parce que t'es laissé, continue là où tu t'arrêtes. Ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est tout. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. Nous on part jamais en vacances, mais des fous. Ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est tout. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. C'est parce que t'étais ça, continue là où tu t'arrêtes. Sans vouloir être snob, ni me vanter vraiment, sans dénigrer jamais ce que tu trouves charmant. Je n'enfile pas des perles à longueur de journée. Ce que je fais, ça s'appelle travailler. Si par hasard le concept venait à t'échapper, si t'as comprenais, t'avais des ratés. Sache que pour manger, moi, je ne suis pas rentier. Ce que je fais, ça s'appelle travailler. Imagine jamais que je vais ruiner ma santé à grand berger. J'ai pourtant longtemps usé des canapés à attendre le jugement dernier. Mais aujourd'hui, Big Brother nous observe de loin. Les actionnaires en profitent, ça c'est certain. Ils font fi de mon envie de me reposer. Ils m'envoient tel un force à travailler. Oh, kiff à moi, c'est pas non plus les vacances. Les cocktails, la piscine, le champagne, le barman qui sourit à ma femme. Je n'ai gagné que le droit d'aller au charbon, que ça me serve de leçon. Sur mon verso déjà s'était penché l'affaire rendement productivité. Ne crois pas que je veuille faire le procès du mal, ni le fond de l'œil du grand capital. Avec mon télescope jusqu'au temps des cryptos, la planète marche de moins en moins souvent. À moi, c'est pas non plus les vacances. Je n'aime pas les cocktails, la piscine, le champagne, le barman qui sourit à ma femme. Jamais un pull vert jacquard, un motif Père Noël, skieur ou montagnard. Alerte au gaz, si jamais je me faisais remarquer, le patron me ferait crucifier. Tu me dis que juste ma vie à la gagner, que je perds tout mon temps à être salarié, que je ne suis qu'un pion, navré sans ambition. Mais moi, monsieur, j'appelle ça travailler. Oh, kiff à moi, c'est pas non plus les vacances. Je n'aime pas les cocktails, la piscine, le champagne, le barman qui sourit à ma femme. Je marche seul dans le froid du matin. Je souris pendant que je valse à la main. Thank you. c'est charmant. Allez, prends des airs bêtes et méchants. Tu joues les coupables nus. Et il en faut du talent pour se mettre dans la peau de l'officiel salaud. Officiel, un salaud officiel. Officiel. Il y a des blancs dans le scénario. Oh oh, moment gênant. Deux géniaux, silence, lourd de sens. Pas de quoi être fier. Pour l'histoire, pour hier. Pas de quoi être fier. Pas de quoi être fier. Pour l'histoire, pour hier. Pour l'histoire. Fais-toi mal, toi l'homme ordinaire, occidental, travaille ta honte, allez, fais-toi mal, toi l'homme ordinaire, occidental, travaille ta honte, allez, fais-toi mal. Toi l'homme ordinaire, occidental. Dans la scène des aveux, crève l'écran. Wow, oh, superstar. Oh oui, c'est si salissant. Tu te repens, mais c'est trop tard. Tu joues les coupables nés. Il en faut du talent pour se mettre dans la peau de l'officiel salaud. Officiel, salaud officiel, officiel. Travaille ta honte, allez, fais-toi mal, toi l'homme ordinaire, occidental. Travaille ta honte, allez, fais-toi mal, toi l'homme ordinaire, occidental. Travaille ta honte, allez, fais-toi mal. Toi l'homme ordinaire, occidental. Toi l'homme ordinaire. Et voilà, voilà. Et voilà, we are back at 8:40 on KFAI. Tout à fait, tout à fait. Il est 8h40. C'est ça. 20h40. And we listen to three songs. So the first song was from TTC, Travailler, and it was the Orgasmic Remix. And awesome song. Yeah, and the name of the album is You Don't Know, Ninja Cuts. Wow. Ooh. And then Elie Mitchell with Travailler from his album Amigos from 2024. And Elie Mitchell has been playing for a very long time, and 60 years. Yeah. Mm-hmm. And funny, this weekend I was listening to RFI podcast about Jean-Jacques Milteau, because I went to see him when I was a youngster in the 90s. And Jean-Jacques Milteau and Manu Galvin played often with Elie Mitchell. Jean-Jacques Milteau is like an harmonicist, and Manu Galvin is like a guitar player. But when they don't play with bigger artists in tours, and like French artists like Elie Mitchell, Francis Cabrel, they also play in studio for a lot of different people. And I was going to see them at a bar called L'Utopia, a café concert, and it was—I mean, it was free to go. You pay, and the more you drink, the better they sing. Ah oui, bah c'est souvent comme ça. Yeah. And the more you drink, the more likely you are to buy the CD also, of the amateur band that plays in the coffee shop. Yeah, yeah. Yeah. So, and the last song was from Île-de-France with Travaille ta honte. And we're going to keep on working our way through like songs about work or protest, because the next song is going to be from Stella. So it's from 1966 and it's Cauchemar Autoprotestateur. Mm. And she protests for about everything and she doesn't always remember what. So in the mid-60s, that was before 68, and there was a lot of protest in the street about a lot of different things. Oh, yeah. So then after that, we're going to listen to Les Charlots with Télétravail, and it's from their album Yapadage from 2023. And then Exazone, with La France d'en bas. Well, like the France from like the bottom of the barrel. Yeah. All right. On y va? Et on y va. C'est parti. Je proteste. Je ne sais pas contre quoi. Je proteste. Ne me demandez pas pourquoi. Je proteste pour le Vietnam. Pour Cuba ou pour Hong Kong, je suis la prêtresse du protestant. Je proteste quand on marche sur les pieds. Ça me fait mal, ça m'empêche de protester. Je suis pour les Viet contre les Kong. Et les Kong, c'est pas ce qui manque, je suis la prêtresse du protestant. Je proteste contre ceux qui ne protestent pas. Tous les jours, je proteste à tour de bras. Je proteste toute l'année, sauf pendant l'air. Quand j'ai payé, je suis la prêtresse du protestant. Je proteste, même quand il n'y a pas de quoi. Je proteste, ça devient plus fort que moi. Contre le pape, contre le roi, contre les autres ou contre moi. La route est longue pour la prêtresse du protestant. FM Télévision pour un reportage exclusif sur les cadences infernales et les conditions inhumaines du télétravail. Pendant le confinement dans ma banlieue, je préférais bosser de chez moi pour mieux garder mes enfants de 30 et 38 ans. Soleil et chapeau de paille, aïe aïe, doigts de pied en éventail, aïe aïe, dans le jardin, aïe, vaille que vaille, aïe, je suis en télétravail, aïe aïe, ma moitié voulait que je l'aide un peu. Soleil et chapeau de paille, aïe aïe, doigts de pied en éventail, aïe aïe, sans patron, aïe, qui m'assaille, aïe, j'suis en télétravail, aïe aïe aïe, puis ma boîte a déposé le bilan. Je recherche activement un faire de chez moi. Soleil et chapeau de paille, aïe aïe, doigts pieds en éventail, aïe aïe, sans trouver aïe à ma taille aïe un seul télétravail, aïe aïe, soleil et chapeau de paille, aïe aïe, doigts pieds en éventail. Salon en pagaille, seul ma télétravail. C'était Jean-Jacques Tourmin en reportage exclusif sur sur quoi déjà? Sur le télétravail. Bonsoir à tous. Pensez à éteindre la lumière. Oh. Et voilà, voilà. Et voilà, voilà. You're back. You're still Hello. Listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. Avec yes. Freddy. Romain. Et Adrien. Yes. Allez, on a réussi. Voilà. Ouais, yeah. Because ouais. sometimes we don't do it right and there's one of us who always has to actually say his own name. Yeah, no, no, yeah. We did well. Yeah. And nobody said their own name. We just have to remember what we did. Yes. We listened to Stella from the 60s with Cauchemar Autoprotestateur, Nightmare... Self-protesting. Yeah, self-protesting. Then Les Charlots with Télétravail. Mm-hmm. And we don't have to make sense. No, I know. A lot of people are using real words and they still don't make sense. And Exazone with La France d'en bas. Hexazone doesn't mean anything either. No, but it's a little bit like hexagone. Mais la zone. Mais la zone, yeah. All right, we're going to keep on going. At 9 o'clock, we'll talk about the events, but we're going to listen to Pink Martini with Sympathique. Ah bah oui. Je ne veux pas travailler. I don't want to work. Then Gilles Courcoural with La Fête du Travail. And La Fête du Travail is the work party. No, not really. Fête du Travail is Labor Day. Oui. And Henri Salvador with Siffler en travaillant. Whistling while working. On y va? Mm-hmm. Mais c'est pas la chanson Les Sept Nains? Ouais. Henri Salvador wasn't very tall, so... No, but that's why. From Snow White? Yes, but it's a different... it's a different one. Okay. Because it's from Henri Salvador. Okay, très bien. Chambre à la forme d'une page. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume.

chanter, fait voir tout en rose, car la musique adoucit les nerfs. Siffler en vaillant, c'est un bon stimulant qui rend le cœur plus vaillant. Siffler un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux. Réjouis l'âme, l'on se sent tout feu, tout flamme, aux accents d'un air bien entraînant. Loin de nous, maître au supplice, travailler est un délice, essayer c'est vraiment surprenant. Et voilà, voilà. Voilà, it is 9:04. Ooh, already, huh? Attention. Yes, yeah. And we listen to three songs. Exactly. Three more songs. Yeah. And which were? The first one was Pink Martini with Sympathique. Then Gilles Courcoural with La Fête du Travail. And Henri Salvador with Siffler en Travaillant. And things that people might not necessarily know, but in France, on May 1st, it is a tradition to go buy some Lily of the Valley on Le Mugy and to buy it for other people that you visit, family, friends, oui. Things like that. And yeah. It's but it's not legal for a cat. Not what? Not for cats? No, that kills them. Yeah, they don't like it? No. Lily of the Valley. Oh, they might like deadly. It, but they... That's deadly for cats. Oh, good to know. Yeah. But, yeah, it's also like one of the only day where you can sell it publicly in the street and without like a license or whatever. So it was a piece of trivia. All right. We're going to keep listening to music about labor because May 1st is May Day and Labor Day in big part of the world. We're going to listen to Benjamin Biolay with Ressources Humaines. And it's featuring Chiara Mastroianni and Melville Poupeau. And then we're going to listen to Bistanclac. Sorry. C'était pas facile à dire. Ressources Humaines is also, or Human Resources is also the name of the song. And then we're going to listen to Suzanne with Plus Vite Que Ça. Do It Faster. Oui, j'aime bien cette chanson. Bien. Et plus vite que ça. Mm-hmm. Et plus vite que avec ça. Suzanne. Allez. Oui. C'est parti. On c'est y va. C'est parti. Ils t'ont dit, c'est pour ton bien, que tu ne pouvais pas faire de meilleurs choix. Avec l'or que tu as dans les mains, tu vas retrouver très vite un emploi. Réfléchis bien, tu seras beaucoup mieux au chaud chez toi. Et tu peux même t'offrir un chien avec la coquette somme qui t'échoit. De ressources humaines, tu n'en as plus, viens comme elle. comme ton mère. Ils t'ont dit le monde avance, on doit se délester de certains poids. On t'a donné maintes fois ta chance, et on t'aime comme le frère qu'on n'aura pas. C'est pour ton bien, dans un carton il y avait ton combat. Et une photo des temps anciens, où tes enfants avaient l'air fiers de toi. De ressources humaines, tu n'en as. Sulla spiaggia il cane addormentato accanto a te. Vieni con me. E qualche ombra nella testa, non so se ti ricorderai di me. Accanto a me. E la notte era giù, un ragazzo con l'anima blu. Un sorriso, uno sguardo, un sospiro e non esisto più. De ressources humaines, tu n'en as plus. Viens y connaître. À force de peine, perdu. Tire des plans sociaux sur la comète des redressements. Qui traîne des charrettes de licenciement. Ça fonce sur les autoroutes de l'information. Pour être à l'heure sur les secteurs en expansion. Les OPA célibataires recherchent des partenaires sociaux. Des plus-values, des avantages fiscaux. Des baisses de charges sur le salariat. Des fusions des trusts de l'actionnariat. Mais il ne faut surtout pas inquiéter les marchés. Ils sont si faibles, si fragiles, si vite effarouchés. Alors ça compresse du personnel pour que les capitaux ne s'envolent à tire d'aile à la recherche de meilleurs taux. Chip, chip. Et moi, au milieu de ça, je ne suis qu'une ressource humaine. Je m'agite dans tous les sens, je ne sais pas pourquoi, mais je me démène. Aller toujours plus vite, défendre l'esprit d'entreprise. Je brasse du vent, mais on m'invite à dire que tout cela me grise. Cherche des indices boursiers en son petit marché financier. Ouais, ça se tripote, ça boursicote, ça spécule sec, ça s'excite en matant les cours de l'industrie high-tech. Ça brasse des stocks options, des stocks de fonds de pension, toujours prêt à dégainer son portefeuille d'actions. Ça maîtrise les coûts, les marges bénéficiaires pour se donner rendez-vous sur les places financières. Mais il faut bien renifler l'orientation des marchés pour espérer dénicher des richesses cachées. Un petit pays qu'on attrape au lasso et qu'on se privatise avant de lancer l'assaut. Des crabouillés, c'est de vie. et moi, au milieu de ça, je ne suis qu'une ressource humaine. Je bosse, je muse, je trime 35 heures par semaine. On voudrait que je me motive pour voir fleurir mon entreprise. Une logique compétitive, il faudrait que ça me grise. Banda, banda, que ça me grise. Ça élabore les stratégies de communication et passe en graphologie les lettres de motivation. Ça recrute des chasseurs de têtes pour débusquer la bête qui aura la meilleure force de vente, qui aura le bon profil pour le management. Ça mijote des plans d'accès de retour à l'emploi en faisant un bisou au passage au syndicat. Ça déborde de mauvaise foi, mais ça tient toujours le discours adéquat. Genre il ne faut surtout pas rendre nerveux les marchés, ils ont la gâchette facile surtout quand ils sont fâchés. Alors ça change tout, ça brade, ça délocalise, ça lâche du mou, ça flexibilise. Et moi, au milieu de ça, je ne suis qu'une ressource humaine et je vais être licencié en fin de semaine. Mais j'ai l'esprit d'initiative, je tripote les charges explosives, voir sauter mon entreprise me grise. Pour rester dans la course, il faut relever de nombreux défis et savoir attirer dans ses métiers de vrais professionnels. J'ai essayé tous les métiers, restaurateur. J'ai essayé toutes les professions, facteur, chauffeur de camion. Mon patron, il est sympa, il est sympa, il est bon. Je le tutoie, il se met au canot. Parfois, on va à la piscine en maillot. Et je lui dis, patron, que tu es bon. La sélection est sévère et la vie de château, c'est fini. Et on a des rapports de franche amitié, sauf qu'il gagne beaucoup et moi, pas assez. Café serré, vite avalé, chaussures lacées, rien oublié. Et plus vite que ça, bouche de métro bien engorgée, y'a plus qu'à compter les arrêts. Et plus vite que ça, début de journée, bonjour crispé, il est 8h, t'as transpiré. Et plus vite que ça, pause déjeuner, formule Big Mac et un Sunday à emporter. Et plus vite que ça, la nuit tombe, t'as pas vu le jour, le temps n'attend pas, non, le temps n'attend pas. Métro hacké, course effrénée, tu pousses cette fille sans t'excuser. T'as pas le temps pour ça. Plat réchauffé, les gosses couchés, y'a plus cruquier à la télé. C'est toujours comme ça. Ta mère attend depuis des années que tu passes la voir rien qu'une journée. T'as pas le temps pour ça. Demain 6h faudra te lever, recommencer la même journée. Et plus vite que ça. La nuit tombe, t'as pas vu le jour, le temps n'attend pas, non. Le temps n'attend pas, non. La vie passe et même si tu cours, le temps n'attend pas, non. Le temps n'attend pas, non. Tu devrais prendre des vacances. Sous ton nez, y'a le burn-out qui danse. Le burn-out qui danse. Le burn-out qui danse. Le burn-out qui danse. Le burn-out qui danse. Le burn-out qui danse. Programming is supported by Minnesota Opera, presenting The Barber of Seville on stage May 3rd through the 18th at the Ordway in downtown St. Paul. The Barber of Seville combines romance with a little old-fashioned trickery into one of the best-loved comedies of all time. Tickets at mnopera.org. Et voilà. Voilà, voilà. We are back and it's just the two of us. Yes. Adrien had to leave us. So. Yeah. But yeah. That's okay. Yeah. As long as we are here, that's we're here. All we're good. There until 10 o'clock. And after that, it's going to be Balkan Jamboree. Mm-hmm. We just listened to Benjamin Biolay with Ressources Humaines. Then Bistan Clark with Ressources Humaines. And Suzanne with Plus Vite Que Ça. Faster, faster. So we're going to keep on listening to songs about labor, protest, union. And the first song we're going to listen to is Les Glochots. Oh, I forgot about the events. Oui. So after that, Les Glochots with Les Petits Chefs. Then Les Betteraves with Pas Travailler. Et Beau Soleil with Travailler, C'est Trop Dur. But before that, we're going to talk about the events. So April 29th to May 1st, there's going to be Festinema Junior 2025, Youth French Films Festival. And it's at the Alliance Française, 227 Koufax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. So it's for teachers. And then we're going to, like, one of the big events that's going to happen on Thursday is Joseph Nicolette. So you might have heard the name Nicolette because of Nicolette Mall, Nicolette Avenue, Nicolette the county, mm-hmm. The town, maybe. I don't know if there's a town. Nicoletta. Nicoletta Sœur. No. No? No, Nicoletta. Okay. The singer. No, Nicoletta is a singer. Yeah. Well, Joseph Nicolette was a French geographer, mm-hmm. astronomer, and mathematician. And the French-American Heritage Foundation of Minnesota will have a guest on Thursday between 6:30 and 8 p.m. Mm-hmm. And it's Jason Lee Willis, and he wrote a book about it. So there's a small fee, but you can register at fahfminn.org, Jason-Lee-Willis. Oh, you can go into our Facebook page. Yeah, that's easier, I think. Find the link. But it starts at 6:30. There's going to be a checking and complimentary refreshment. Then 7 to 8 is going to be Joseph Nicolette presentation. And 8 to 8:30, book signing with author Jason Lee Willis. So it's, I didn't say where it was, it's at the Sibley Historic House. So it's 55 Drive D Street in Mendota Heights. And yeah, so check our Facebook page. I think that's the easiest. Saturday morning between 9:30 and 11:30, there's going to be the Petit Dej. At the Alliance Française, it's a French conversation group, and there's usually like sweets and coffee and things like that. So it's at 227 Koufax Avenue North, Minneapolis, Minnesota, and it's only once a month. So it's pretty nice. Then on Sunday in Rochester, Petit Café in Rochester on May 4th, it's between 2 and 3:30, and it's at the Café Aki. And Café Aki is located 1811 2nd Street, mm-hmm. Southwest in Rochester. And it's also a French conversation group, a monthly one. Mm-hmm. So if you're in the area, it's one of the conversation groups. I remind you that Paris Saint-Germain won today, just in case you didn't know. And we hope to win next week again. And ben go oui. to the final y a pas of de the raison. Champions League. Mm. Paris has never been, I've been only once to the Champions League finals against mm-hmm. Bayern Munich, like several years ago. But they never won the championship. And oh, they never did? Never did. That's why people from Marseille are always like, Marseille, they won? Two. Oh, yeah. I think. One and they went into final like the year after. Mm-hmm. A lot of people say they bought it, but I will not get into that controversy. So yeah, let's listen to Les Glochots with Les Petits Chefs. Les Petits Chefs are the little chiefs or the little bosses, oui. Mid-management. Mm-hmm. and then les betteraves with pas travailler, not working, and beau soleil with travailler c'est trop dur. That will be our Cajun song of the night. Ok. On y va? Eh bien, c'est parti. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs. On baissera pas nos pantalons à sacré nom de nom. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs. On baissera pas nos pantalons devant une bande de cons. Dans n'importe quel bureau, sur le chantier à l'usine, quoi toujours des blaireaux pour faire chez Populo. Les patrons c'est des malins, ils ont trouvé la combine pour pas salir les mains. Ils ont des collabos, il y a toujours des branleurs prêts à lécher les bottes. Ils deviennent petits chefs, ils ont de l'ambition, c'est toujours les premiers pour baisser leurs culottes, pour faire les coups en douce, c'est les rois des touchetons. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs. On baissera pas nos pantalons à sacré nom de nom. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs. On baissera pas nos pantalons devant une bande de cons. Ils se mettent au garde-à-vous comme des vrais militaires, prêts à exécuter les ordres de leur patron. Ils se disent courageux, mais sont pas téméraires et retournent leur veste à la première occasion. Quand il est au boulot, il se prend pour un cador, c'est monsieur je sais tout. Il a peur de personne, le soir à la maison, changement de décor, devient un vrai toutou, et rentre devant Bobonne. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs, on baissera pas nos pantalons à sacré nom de nom. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs, on baissera pas nos pantalons devant une bande de cons. On baissera pas nos pantalons à sacré nom de nom. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs. On baissera pas nos pantalons devant une bande de cons. En vrai, les petits chefs, c'est tous des pétochards qui serrent tellement les fesses devant la direction que tu pourrais même pas mettre un suppositoire. Quand on est trop du tchu, on le reste pour de bon. C'est jamais de leur faute, sont jamais responsables. Eux font que leur travail, c'est la faute au patron. Pour nous, un collabo, c'est jamais fréquentable. Quand on est à côté, ça nous donne des boutons. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs. On baissera pas nos pantalons à sacré nom de nom. On baissera pas nos pantalons devant les petits chefs. On baissera pas nos pantalons devant une bande de cons. Je vois tous ces gens super friqués. Une seule chose me trotte dans la tête, je veux passer mes nuits à faire la fête. Je veux m'acheter plein de voitures, une villa sur la Côte d'Azur, avoir un appartement dans le 16e et passer une vie mondaine. Je veux avoir des filles à mes pieds, mais je veux pas. Non, je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Non, je veux pas, mais non, je veux pas. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Non, je veux pas, non, je veux pas, je veux pas travailler. Je matin, c'est quelque chose que tout va faire. Chaque jour que l'on vit, on demande de quoi je vis. Je dis ce fils, l'amour et j'espère de vivre. Mais je fais mon idée et je cherche mon nouveau prix. J'attape mon vieux sel et je selle mon vieux cheval. Mais je monte sur mon cheval et je prends mon violon. Je prends mon bébé et je joue ma vieille valse. Mais je joue mon violon et je joue qu'à plein de basses. Mais chaque fille que je joigne m'aide à m'entendre où ce que je vais. Mais chaque fille que je joigne elle demande où ce que je vais. Je dis ça va dans Paris, passe ma belle et mon bébé. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Rendre la charité c'est quelque chose qu'on va faire. Chaque jour que l'on vit, on demande de quoi je vis. Du disservice à l'amour et j'espère de vivre. Du disservice à l'amour et j'espère de vivre. Hey, this is Al McFarland, host of The Conversation with Al McFarland. Tune in on Tuesdays at 1 and join me for some real talk about the real issues with my friends who are not afraid to speak their minds. The Conversation starts Tuesdays at 1 right after Democracy Now! Right here on 90.3 FM KFAI. KFAI's Mini Culture presents live from Minnesota, Turtle Island Voices Rising. Celebrating Minnesota American Indian Month with hosts Deanna Standing Cloud and Trish Cook, and performances by Tufa Wan and Tiana Spotted Thunder at the Hook and Ladder, Friday, May 2nd. Doors open at 6 p.m. Event starts at 7 o'clock. The event is free and open to the public, ages 18 plus unless accompanied by an adult. KFAI's Mini Culture programming is made possible with the support of the state of Minnesota and the Arts and Cultural Heritage Legacy Amendment. Et voilà, voilà. We are back. Yes, indeed. We just listened to three songs. The first one was from Les Glochots, and it's called Les Petits Chefs, or the little bosses. Then Les Betteraves with Pas Travailler, and Beau Soleil with Travailler, C'est Trop Dur. And we're going to keep on going with songs about Labor Day and protests and... The three more songs we're going to listen to are Satellite Jockey with Paix Sociale, or Social Peace. Then Les Malpolis, or the Poorly Behave. On veut pas du travail, we don't want work. And then L'Inconsolable with On vaut mieux que ça, we are worth more than that. Super. All right. Eh bien, on y va. C'est parti. Oh,

On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure, on vaut mieux que ça. On vaut mieux bosser au McDo, mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado. C'est vrai qu'on vaut mieux que ça. Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier. Et on vaut mieux que ça. Notre pouvoir pourront pas nier, tant ils vont voir qu'on est panier si on cesse les accompagner. Car on vaut mieux que ça. Grève générale, ad vitam aeternam, va, si Paris réclame, ta petite Paris c'est drame. Pour la bourgeoisie, car Ricard qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme. Sans salariat, aïe aïe aïe, ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là. On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix. On vaut mieux que ça. Life is flux and change is the only constant. KFAI brings you Spelling live at the Fine Line Wednesday, May 14th. Spelling's new album, Portrait of My Heart, is a new sound for the Bay Area experimental mastermind. A more rock-forward approach while still retaining her powerful melodies and vocals. Portrait of My Heart is Spelling at her most accessible and most adventurous. Opening the show is Earth. Tickets for Spelling at the Fine Line can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, voilà. Voilà, we are back. It is 9:42 on KFAI. And in 18 minutes, Balkan Jamboree will we'll start. Yeah. But and we have time. Yeah, I know. That's what I was going to say. Until then, we have time for many songs. Oh, yeah. So we just listened to three songs, Satellite Jockey with Paix Sociale, then the band Les Malpolis with On Veut Pas Du Travail, and then L'Inconsolable, which is a rapper that I discovered on Bandcamp, with On Vaut Mieux Que Ça. And we're going to keep on going with Yves Jamais. And Jamais is like never. And Yanaki, there are some who. Then Ashka et les Saltimbanques with On Lâche Rien. We don't give anything away. And Hélène Piris with Mais non, on va s'en sortir. On y va? C'est très bien. Eh bien, on y va. C'est parti. Et mes neurones sont délivrés.

qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. À s'en sortir un jour, les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller, ils vont reprendre leurs droits, ils vont foutre en cabane les banquiers et tous les traders, les Monsanto et les bailleurs, les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir, je te dis. S'en vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la PAC de nous empoisonner. Les riches, au lieu de s'offrir des yachts et d'acheter de la coque aux Arabes qui sont dans leur cité pourrie, ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelines, aux hôpitaux et aux écoles. On sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse sorcière, sans destruction de notre terre. Bordel, mais on va s'en sortir. Creuser des trous de plus en plus profonds. Où ce qu'on y plonge des petits Africains de 7 ans qui, au lieu d'aller à l'école et d'avoir une petite chance de se sortir de leurs conditions pourries, non, ils sont payés 1 euro la journée pour plonger là-dedans et aller chercher des minerais hyper rares. Tout ça pour que tu puisses avoir le tout dernier iPhone. Besoin et pas tout ce qu'on nous dit de consommer pour avoir l'air évolué. On fera des tonnes de plastique, des abris pour ceux qui n'ont pas, des œuvres d'art dans tous les coins des rues, des bateaux pour nos frères qui fuient leur pays en guerre. Et si leur pays est en guerre, c'est aussi un peu grâce à nous qu'on leur fournit de quoi la faire. S'en sortir. Oui, moi aussi j'avoue, j'ai un petit peu des doutes parfois quand je regarde ce qui se passe autour de moi. Et en même temps, si on baisse les bras et qu'on fait rien que gueuler comme des harengs derrière nos putains d'écrans, on laisse tous ces tarés continuer à diriger et à tout massacrer. Alors viens, on se bouge le cul, c'est bon pour les fessiers, la planète et l'humanité. Allez viens, on se bouge le cul. Allez viens, on se bouge le cul. Et voilà, voilà. And we're back. Yes. One last time. Not for very long, for like 5 minutes, because we're going to have to go. It's going to be Balkan Jamboree, but we'll be back next week. We're here every week, every Tuesday night, 8 to 10 p.m. Central. And we also are, all the shows are archived, so you can go to archive.org and catch us up. We just listened to 3 songs with Yves Jamais, with Yanaki, Ashkai les Saltimbanques with On Lâche Rien, et Hélène Piris with Non, mais on va s'en sortir. Et we're going to finish tonight with Claire Vincent, with N'allez pas travailler, Don't go to work, and maybe Les Charlots with Merci Patron. Ah, Merci Thank you, Patron, boss. Bah oui. But we'll see if we have time to play this one. Ça marche. All right. Eh bien, bonne soirée. Bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.